semblant avec les vagues se creuser chaque fois. Sur ce petit pincement, juste au niveau du cœur, j'ai mis un pansement, un vrai pansement sur le stigmate. L'eau épaissée, la main salée, m'a raconté que nul n'avait besoin de vouloir camoufler ses petites défaillances et qu'avec indulgence, cristaux de sel et poudre d'ange soigneraient mes plaies et que le soleil les sécherait. Si que vouloir camoufler tout le temps, repenser ses plaies, jamais celle-ci ne refermait, jamais celle-ci ne refermait. J'ai un petit pincement juste au niveau du cœur, une petite blessure qui